Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Prêt pour ce live numéro 4? Ouais, très content d'être là. Bah super, ravi de te recevoir. On va Merci. attendre de voir si les premiers auditeurs arrivent et ont accepté ce rendez-vous. Voilà, Je vais exactement. commencer déjà par l'introduction pour les faire venir. Alors, chers auditeurs, futurs auditeurs, bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi, c'est ça la force de l'audio. Et si ça vous dit d'être dans mon prochain live, n'hésitez pas à me contacter. Merci aux 7 auditeurs qui ont accepté ce rendez-vous. Merci beaucoup, Alexandre. Ce Avec soir, plaisir. donc, nous allons parler d'un thème intéressant, c'est-à-dire l'hygiène de vie et son impact sur la beauté en général. Et je suis vraiment ravie de te recevoir comme premier invité homme parce que ça va donner un nouvel angle, donc masculin, à ce thème de la beauté. Ouais, c'est clair, ça ouvre plus le De champ nouveaux des... champs. Voilà, exactement. Exactement. Et en ce moment, une tendance dont on entend un peu parler, c'est la beauté holistique. En fait, ça correspond à une approche assez globale de la beauté, via notamment des compléments alimentaires, notamment, qui auraient ensuite un impact externe sur la peau, par exemple. Est-ce que ça, tu en avais déjà entendu parler, toi, Alexandre? Alors oui, pas mal, suite à certaines expériences que j'ai pu avoir, notamment en D'accord. pharmacie, où voilà, les D'accord. compléments alimentaires rentrent beaucoup en jeu, et il y a beaucoup de personnes qui les utilisent, que ce soit pour leurs cheveux, que ce soit pour leur peau. Donc ouais, D'accord. j'en ai déjà pas mal entendu parler. D'accord. Alors, tu vas peut-être nous préciser tout ça juste après. Nous, là, on va parler assez globalement de l'hygiène de vie, sport, alimentation, sommeil mental avec la beauté. Avant de commencer, est-ce que dans nos auditeurs, est-ce que Marine nous écoute? Ou pas encore. Marine, si tu es là, n'hésite pas à intervenir. Ah, je ne sais pas si Marine est déjà connectée. C'était pour lui Pour souhaiter un l'instant, je la joyeux vois pas. anniversaire. Apparemment, c'est Ah. son anniversaire. Eh bien, ce sera pour plus tard. Bah, joyeux Alors, tu le anniversaire, sais Marina. peut-être. Voilà, joyeux anniversaire, Marine, quand tu nous écouteras. J'aime bien commencer par un petit test de la presse. Alors, en général, c'est la presse féminine, mais là, ce soir, ça va être un test spécialement destiné aux hommes. Ça te dit, Super. Alexandre? T'en fais de Ouais, temps en temps? génial. Ouais, bah même quand je suis les audios, d'habitude, je les fais en même temps que vous, donc c'est parfait. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est marrant. Alors, Alexandre, première question. La dernière fois que tu as mis les pieds dans un magasin spécialisé beauté, c'était il y a moins de 6 mois pour accompagner ta petite amie, la semaine dernière pour jeter un coup d'œil aux dernières nouveautés, l'an dernier pour trouver un cadeau pour la fête des mères ou le mois dernier pour acheter ton parfum préféré. Allez, on va dire il y a 6 mois. Ouais, il y a six Ok. mois. Pour toi, utiliser des soins de beauté, c'est ne pas se laisser aller, pour corriger un défaut, une preuve d'amour de soi ou user d'artifice et une dépense inutile. Je dirais pour corriger un défaut, ouais. D'accord, ça va être ciblé comme ça. Ok. Quand tu te regardes dans le miroir, enfin, à quelle fréquence? C'est avant de quitter ton domicile et avant un rendez-vous? Ou dans la salle de bain nue pour voir ton corps et tes muscles? Lorsque tu sens quelque chose qui te gêne? Ou très souvent au réveil avant de quitter ton domicile, dans les vitrines des magasins, dès que tu peux? Moi, je dirais avant de quitter mon domicile et avant un rendez-vous. Ok. Ton dernier geste beauté, c'était d'appliquer de l'anti-cerne, un gommage effectué par ta moitié, un massage dans un spa ou simplement te couper les ongles. Bon, même si ça correspond pas exactement, on va dire plus le gommage. Voilà. D'accord. Dans ta salle de bain, ton étagère, elle accueille 2 ou 3 tubes de crème et une autre toilette, ou elle déborde de produits de tout genre, ou elle n'est on ne peut plus vide, ou enfin elle sert d'annexe à ta partenaire. Je dirais plus 2 ou 3 produits. Voilà, la première, je crois que c'était. D'accord. Tu aimes bien qu'on dise de vous. Alors, pour toi, l'opinion des autres n'a aucune importance. Ou tu aimes bien qu'on dise que tu as bonne mine, ou que tu es en forme, ou que tu prends soin de toi et que ça se voit. Je dirais que je suis en forme, ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Enfin. Ta moitié t'indique souhaiter t'offrir un soin du visage pour ton anniversaire. C'est une première, tu l'acceptes, ou tu lui fais confiance pour le choix du produit, ou tu lui indiques le produit que tu as déjà repéré, ou tu refuses et tu l'orientes plutôt vers un CD ou autre chose. Je vais dire, c'est une première et j'accepte le cadeau. D'accord. Ouvert, c'est bien. Ouais. Aller dans un salon de beauté dédié à la beauté masculine. Est-ce que c'est un rendez-vous mensuel que tu ne rates sous aucun prétexte? Est-ce que c'est une expérience inédite que tu aimerais tenter? Une expérience par laquelle tu t'es déjà laissé tenter ou une perte de temps? Est-ce que tu peux répéter la question? Pour toi, le fait d'aller dans un salon de beauté qui serait vraiment dédié aux hommes, ce sera un rendez-vous mensuel à ne surtout pas rater. C'est une expérience inédite que tu aimerais bien tenter? Ou tu l'as déjà Ouais. fait, tu t'es déjà laissé tenter par ça? Ou c'est une perte de temps? La deuxième, une expérience inédite que je pourrais tenter. D'accord. Hop, excuse-moi, je partage en même temps. Je ne sais pas si on a entendu sur Instagram. Donc, excuse-moi, tu as répondu. Une expérience inédite. Expérience inédite. Donc, ça te plairait un jour, pourquoi pas, de tenter Ouais, ça. pourquoi pas essayer une fois, voir ce que ça donne. Je suis ouvert à tout, Tu en as quoi. déjà remarqué, toi, des instituts dédiés aux hommes ou pas Franchement, très encore? peu. Les seuls trucs un peu qui sont plus, on va dire, masculins, c'est tout ce qui est barbershop, ce genre de Ouais, c'est choses. vrai. Mais Ouais. institut vraiment, genre dans la cosmétique, tout ça, j'en ai jamais vu personnellement, que pour les hommes. C'est vrai, hein. C'est vrai que moi-même, je me rends compte que ouais, c'est souvent mixte en fait, sinon. Ouais, c'est vrai. Et même, enfin, quand c'est mixte, il y a beaucoup plus de choix dans l'univers féminin que masculin. Ouais, totalement. À l'apparition des premiers cheveux blancs, tu resteras au naturel, tu te laisses convaincre par ta moitié d'y remédier par une teinture, tu iras dans un salon de coiffure pour corriger cela ou tu te renseigneras sur une teinture pour retrouver ta couleur naturelle. Je pense que ouais, je garderai, enfin, je resterai naturel, voilà, pour pas abîmer le Ok. cuir chevelu. En plus, c'est vrai que c'est un peu peut-être l'injustice homme-femme sur ce point. C'est assez, ça donne du charme, on dit, pour les hommes d'avoir le teint, enfin les cheveux poivre et sel, par exemple. Ouais, c'est Donc, vrai, c'est exactement. vrai Ouais, souvent. qu'il faut en profiter. Ouais, pourquoi tu pas, hein, du coup. achètes. Bah ouais, c'est vrai. Peut-être que d'ici là, je ne sais pas, je ne veux pas donner d'indices sur ton âge, hein, Alexandre, mais vous savez, chers auditeurs, que vous devrez donner des pronostics, notamment sur l'âge d'Alexandre, dans un instant. Mais peut-être que d'ici le moment où tu auras des cheveux poivre et sel, la mode aura changé. Exactement, on verra ça. Est-ce que tu achètes la presse masculine de temps en temps, jamais, très régulièrement, une à deux fois par an? Avec une Franchement, rubrique beauté, hein, pardon. je vais être honnête, jamais. Jamais. Hop. Tu serais plus internet si tu as besoin de prendre un conseil. Exactement, ouais. Même si parfois je me méfie un peu parce qu'il y a certains sites qui sont pas non plus. Comment dire, très vérifié, certifié. Donc Ah il oui, je doit y vois. avoir des Oui. fausses informations, alors que souvent dans les magazines, c'est un peu plus quand même, les informations peuvent être plus vérifiées, ça dépend desquelles Oui, je vois. encore, Ça mais rassure un peu, ouais. ouais. Je vois qu'on a une petite intervention de Mathilde. Salut En Mathilde. tout cas, je trouve ça très intéressant d'interroger un homme, ça permet d'avoir une autre vision de l'esthétique en général. Ouais, merci Mathilde. Je suis d'accord. J'étais vraiment ravie que Alexandre accepte ce Ouais, je suis rendez-vous. d'accord, c'est une approche différente et ça peut intéresser pas mal de gens, par exemple. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup de connaître un peu plus, pourquoi pas, parce Ouais. que je suis pas très renseigné dedans, mais voilà, Parce que c'est est-ce très que intéressant. c'est, tu dirais que c'est un thème dont tu es amené à parler avec tes amis ou pas, enfin amis hommes du coup, tu vois, Ouais, ou c'est anecdotique? ça peut arriver sur certains D'accord. points. Sur certains points, pas forcément tous les points, mais par exemple, je sais pas, des problèmes de barbe ou ce genre de choses, Ouais. Ah ouais, d'accord. ça peut m'arriver régulièrement, ouais. D'accord. Alors. On est à la moitié, hein. Il est un petit peu long Ok, pour super, un pas de test souci. pour les hommes. Tu prends soin de tes cheveux de manière obsessionnelle, de temps en temps avec un shampoing adapté, quand tu as le temps avec un shampoing premier prix et du savon, ou religieusement. De temps en temps avec un shampoing adapté. Hop. Tu pars en vacances, qu'est-ce que tu emportes? La panoplie complète. Hors de question de te laisser aller, surtout pendant les vacances. Trousse de toilette de 2 kilos. Le strict minimum. Pourquoi pas un lait hydratant en cas de coup de soleil ou quelques échantillons que tu as glanés au fil de tes achats. On va dire pourquoi pas un lait hydratant en cas de coup de soleil. Ouais, ça me parlait bien. D'accord. Dans les magazines pour hommes, rien à faire. Tu n'arrives pas à y trouver de l'intérêt. Tu es à l'affût de tous les conseils beauté. Tu portes une attention particulière aux conseils de beauté ou tu y apportes une attention discrète? Je vais plus y apporter une attention discrète, ouais. Parler beauté devant tes copains. Ah bah tiens, cela a dû t'arriver une fois, cela ne t'arrivera jamais ou cela t'arrive très souvent ou ça te surprendrait, mais pourquoi pas? Je dirais plus, ça a dû m'arriver une fois, ouais, ça correspond le mieux. Ok. En matière de produits de beauté, tu dépenses peu. C'est surtout ta petite amie qui investit pour toi. Pratiquement rien, que du savon et du gel douche. Raisonnablement, parfum, soins hydratants, quelques petites bricoles. Ou sans compter l'important, c'est de te faire plaisir. La troisième, le parfum et ça me fait plaisir. Raisonnablement, Ouais, voilà, tu raisonnablement. fais attention quand même. Ouais. D'accord. Pour acheter des produits de beauté, tu vas au supermarché. Aux mêmes endroits que ta conjointe, dans les grands magasins pour avoir le grand choix, le plus grand choix et des conseils de spécialistes, ou dans une parapharmacie. Je vais plus avoir tendance à sélectionner la parapharmacie. Dans un magasin dédié, pardon, à la beauté, tu achètes juste de la crème hydratante, tu n'achètes jamais de produits dédiés aux hommes, seulement du parfum pour ta moitié. Tu souhaites tester toutes les nouveautés. Tu te laisses de plus en plus tenter, notamment par des nouveautés et des produits innovants. Plus la première, juste une crème hydratante. D'accord. L'été, tu utilises la crème solaire adaptée à ta nature de peau, la crème solaire de la famille. Quand tu y penses un peu et tu utilises le tube qui te passe par la main, ou c'est une crème spécifique à ton type de peau que tu achètes spécialement pour le visage et tu en as une différente pour le corps. La première, nature de peau, voilà, juste. Adapté à la nature de peau. Tu achètes de la crème solaire, avant-dernière question. À chaque départ en vacances, jamais, quand ta moitié te le demande, parce que d'habitude c'est plutôt elle qui s'en charge, ou tous les ans. Tous les ans. Tous les Ok. ans, ouais. Le temps passé dans ta salle de bain est de l'ordre de 20 minutes, 30 minutes. Ah mince, parce que c'est une des infos que j'aurais aimé faire deviner, mais bon, bah, on Ah. choisira autre chose. 45 minutes ou pas plus de 15 minutes. On va dire dans les 30 minutes. Alors, verdict. Ah, c'était la dernière question. Exactement. Beauté Ok. à petits pas. Vous commencez à vous pencher sur la beauté. Votre compagne vous encourage en ce sens et vous amène progressivement à prendre soin de vous. La société où l'apparence physique tient une place importante joue beaucoup dans votre intérêt pour la beauté. Vous avez envie de plaire. Réticent au début, vous vous êtes laissé influencer par votre entourage proche. Entraîné par votre partenaire, vous vous adonnez de temps en temps à des séances de massage. Vous appliquez une crème offerte par votre partenaire. Vous vous rendez compte que c'est agréable et que cela vous fait du bien. De plus, l'existence des produits de beauté faits pour les hommes vous rassure dans ce sens. Si l'usage des produits de beauté vous permet de camoufler des imperfections, de vous rendre plus beau et pour le coup d'accroître votre confiance en vous, pourquoi pas? Vous n'êtes pas contre l'idée enfin de mettre une crème après rasage ou un petit masque éclat de temps en temps, mais la beauté ne fait pas encore partie intégrante de votre quotidien. Vous commencez à utiliser le soin comme une découverte. Voilà. Est-ce que Ok. tu es plutôt d'accord avec ce verdict? Ouais, bah, y a surtout certains points, plus ouais, découverte, on va dire. Ouais. Je suis pas trop habitué, donc je vais plus me laisser, on va dire, conseiller et plus, ouais, par exemple, si on me propose quelque chose, de tester quelque chose, bah, je vais essayer, mais je vais pas forcément le faire de moi-même, actuellement. D'accord. Alors, maintenant, c'est parti pour la rubrique suivante. On va s'intéresser, du coup, tu l'as un peu évoqué, mais plus précisément à tes habitudes beauté et du coup à ce fameux lien peut-être hygiène de vie et beauté, du coup. Toi, globalement, tu dirais que tu as plutôt une bonne hygiène de vie, moyennement, comment tu te qualifierais? Je dirais assez bonne. Bon, elle s'est un peu dégradée depuis le premier confinement, mais sinon, D'accord. en temps normal, enfin, en général, elle est assez bonne. Voilà, au niveau de l'alimentation, je fais assez attention Ouais. et niveau physique aussi, j'essaye de m'entretenir. D'accord. Ouais, c'est important pour toi, c'est quand même un vrai sujet, tu dirais. Ouais, carrément. Ouais. Pour Ouais. moi, ça a une place dominante dans ma vie de tous les jours. D'accord, ah ouais, d'accord. Et niveau alimentation, tu l'as évoqué, donc ça veut dire quoi? Tu t'évites de grignoter, tu manges plutôt équilibré, tu comportes comment en fait? Alors, bah, pardon, je mange beaucoup pendant mes repas. Donc, au niveau D'accord. des heures du déjeuner ou du dîner, entre, Ouais. je mange pas. Et D'accord. à part, voilà, quand je peux être avec des amis, voilà, il peut m'arriver de grignoter un petit peu. Mais sinon, quand je suis moi de mon côté tout seul, bah, non, je vais pas aller grignoter. Je me fais des bons repas équilibrés, assez copieux, pour D'accord. pouvoir, voilà, tenir, avec ce que j'ai mangé. Pour toi, c'est important, par exemple, qu'il y ait à chaque fois des légumes dans ton assiette ou ça, c'est pas forcément le principal? Ouais, j'essaye quand même d'en mettre à chaque fois que je me prépare à manger. Voilà, s'il y en a pas, Ouais. je vais pas non plus mourir parce que j'ai pas eu mes légumes. Mais D'accord, ouais. sinon, ouais, j'essaye d'en apporter quand même. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu vois un impact sur ta peau si tu manges moins bien à un moment? Ouais, je dirais que je peux avoir une peau un peu plus, je sais pas comment le définir, mais peut-être tiraillé ou enfin Ah ouais? il y a quelques boutons, quelques petits boutons. D'accord. Après, je sais pas si elle est directement à ça, mais Ouais. ouais, quand j'ai une hygiène de vie un peu moins correcte, ça Ça peut se ressent quand changer même. certains points. Ouais. D'accord. Un premier point validé de ton côté. Toi, tu aurais Ouais. plutôt tendance à avoir un lien du coup. Et est-ce que le sucre, par exemple, tu as remarqué si tu en manges trop, que tu peux avoir plus de boutons? C'est une info qu'on peut souvent entendre. Par rapport au sucre en lui-même, je dirais pas oui avec certitude, mais sûrement Ouais. parce que quand je mange un peu moins bien et que je peux avoir des petits boutons qui apparaissent, ça peut être, enfin, c'est souvent que j'ai mangé un peu plus de sucre que d'habitude. D'accord. Alors, un autre point qui est pris en compte dans l'hygiène de vie, et donc ce soir dans Beauté Imaginée, on s'y intéresse avec notre invité Alexandre, c'est le sommeil. Toi, comment ça se passe? Est-ce que tu respectes tes besoins ou tu tires plutôt sur la corde? Alors, le sommeil, j'avoue que j'y fais pas très attention. Je sais que c'est hyper D'accord. important et je me sens mieux quand je dors bien. Mais j'avoue que Ouais. ouais, il peut m'arriver de faire des nuits blanches pour travailler ou ce genre de choses Ah ouais, je vois. et donc ouais, je tire un peu sur la corde, on va dire, à ce niveau-là. D'accord. Pour toi, oui, c'est pas primordial. Tu vois peut-être pas tant de liens. Bah justement, je prends la peau en référence. Est-ce que si tu as mal dormi, tu vois un lien ou pas spécialement? Bah, je vais récupérer assez vite, mais c'est vrai que voilà, par exemple, si j'ai fait quasiment une nuit blanche pour travailler, le lendemain, je vais être un peu cerné, je vais avoir la peau, Ouais. enfin, un teint un peu plus terne, on va dire, et enfin, une D'accord. mine fatiguée, quoi. Est-ce que dans ces cas-là, tu changes ta routine, on en parlera juste après, ta routine cosmétique et tout, ou tant pis, enfin, tu dis que tu dormiras mieux le soir même. Ouais, je me dis carrément que je dormirai mieux Ouais. après, que je vais récupérer et que ça va se régler tout seul. Un autre point, je crois que ça c'est un point qui t'intéresse pas mal, c'est le sport. Toi, tu en fais à quelle fréquence, Alexandre? Alors, quand je peux, on va dire, aller 4 à 5 fois par semaine, c'est D'accord. la fréquence que j'essaye de me caler quand, voilà, quand j'arrive Oui, à avoir des moments pour le faire. c'est soutenu. Ouais, j'essaye de faire assez soutenu. J'avoue qu'en ce moment, pas trop. Donc, Oui, avec le voilà. confinement. Ouais, et puis, faut plein de choses, des examens à préparer, ce genre de choses. Ah oui, ok. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, sinon, en temps normal, ouais, j'essaye de faire assez fréquemment. D'accord. Je me sens mieux quand j'en fais, en fait. Enfin, même au niveau de. Enfin, je me sens Du plus en moral. forme. Ouais, c'est ça. Je me sens plus en forme et ouais, c'est beaucoup beaucoup mieux, ça joue beaucoup. D'accord. Est-ce que tu fais particulièrement du cardio ou ça va plus être de la musculation pure? Ça sera plus tourné vers la musculation pour le coup. Ouais, cardio D'accord. quasiment pas, hein, franchement. D'accord. Parce que justement, j'allais encore te demander si tu vois une action sur la peau. Et c'est vrai que on peut imaginer que le cardio en aurait particulièrement. Est-ce que la musculation là, à cette fréquence-là, tu vois une action sur le visage, hein, j'entends. Sur le vis, bah, je vais dire pas forcément. Après, oui, je vais avoir une mine un peu plus en forme. Donc, Ouais. voilà. Mais sinon, non, pas particulièrement au niveau de la musculation. D'accord. Et du coup, oui, le cardio, non, t'as pas fait de lien non plus les fois où t'en as fait. Ouais, bah, franchement, quand j'en ai fait, c'était il y a un moment et ouais, j'avais pas non plus une hygiène de vie irréprochable. Donc, Oui, donc ouais, j'ai difficile pas de trop remarqué déterminer. les. Ouais, exactement. Alors, un point qui m'intéresse parce que souvent on ne se rend pas compte de l'éventuelle routine beauté des hommes. Toi, quelle est-elle? Alors moi, elle est assez, franchement, elle est assez simple. Donc D'accord. voilà, douche, brossage de dents et on va dire un peu de parfum, quoi. C'est vraiment assez basique, hein, donc. Des crèmes hydratantes. Tu l'as un peu évoqué dans le test, pas ouais, pas spécialement. Non, franchement, non. Enfin, j'avais dit ouais, crème hydratante parce que ouais, ça peut m'arriver de mettre un produit ou quoi, mais c'est quand Si même tu as la peau c'est vraiment comme. sèche, par exemple. Ouais, voilà, vraiment, ça peut être si j'ai un problème sur ma peau ou quoi, mais sinon ça c'est ouais, c'est assez simple, hein. Est-ce que Rien tu as d'autre. déjà fait, par exemple, un gommage? Ça t'est déjà arrivé ou pas? Ouais, bah ça m'est Ouais. arrivé récemment en plus, il y a Ouais. une ou deux semaines, mais pareil, voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est mon entourage qui m'en a fourni un. Et D'accord. du coup, je l'ai essayé parce qu'on m'a dit essaye-le. Donc j'ai essayé ça, c'était pas mal. J'ai bien aimé le Ouais. faire. Voilà, franchement, je trouvais ça. Enfin, comme j'ai pas l'habitude, voilà, je trouvais ça Oui, intéressant de voir les effets que c'était ça pouvait avoir. une expérience folle. Ouais, exactement. Voilà, donc je me suis un peu amusé en le faisant. Mais Mais pas de bon, là à en c'est. racheter pour toi, quoi. Non, genre, je pense pas que j'en rachèterai. Mais Ouais. ouais, c'est. C'est sympa d'essayer de temps en temps. Et pareil, un masque, est-ce que ça t'a déjà eu l'occasion? Ah bah c'était plus un masque qu'un gommage, pardon. Ah, Gommage, d'accord. ouais, non, jamais fait. Mais masque, ouais, c'était D'accord. ça. C'était plus un masque, Ah, ok. Ah oui, donc là, ça faisait vraiment ambiance institut avec le masque que tu laisses poser. Donc oui, je vois, c'est d'autant plus exactement. sympa. Alors que oui, le Ouais, c'est gommage, ça. il faut l'appliquer et tout, donc c'est un peu Ouais. plus fastidieux. Ah Ouais. ouais. Bon, alors, tu as peut-être entendu dans mon dernier live que c'est bien de faire un gommage avant le masque. Mais ça Ouais, sera pour pour purifier la ta peau prochaine et expérience beauté. ouais, peut-être j'évoluerai la prochaine fois, ouais. Et du coup, tu en as un peu parlé. Les gammes hommes, est-ce qu'il y en a que tu trouves cool ou qui t'attirent, même au niveau des packagings et tout, dans les supermarchés? Ou dans l'ensemble, les fois où tu as utilisé des choses, c'est toujours en te rabattant sur une marque plutôt destinée aux femmes? Non, j'aime bien quand je peux trouver dans une parapharmacie ou un magasin cosmétique d'aller Ouais. même si j'étais pas allé pour ça à la base d'aller jeter un Ouais. œil dans le rayon homme parce qu'il y a des produits qui peuvent m'intéresser surtout ouais, au niveau du packaging souvent ça attire l'œil Ah ouais, c'est des d'accord. packagings souvent avec des couleurs plus enfin je vais dire masculines sans vouloir faire de remarques sexistes ou quoi que ce soit hein. Ouais, bien sûr, Mais il y a des codes, hein, de toute façon. ouais c'est Le ça c'est plus marketing des s'en codes empare bien. exactement. Ouais. Oui, donc Exactement. ça t'aimes bien si tu trouves un packaging Ouais. design qui Ça va renvoie des m'attirer notions l'œil, ouais. viriles et tout. Ouais, C'est ça. Je vais ça peut voir te un. pousser à acheter. Exactement, ouais, je vais voir par exemple un homme avec une belle barbe, une Ouais. image ou quoi, ça va, enfin, ça va m'attirer l'œil. Si tu t'identifies au modèle, en fait, au mannequin qui est dessus, ça Ouais, peut voilà. t'aider, quoi. Et Exactement. tu sais, par exemple, enfin, si je caricature la publicité pour un cosmétique homme, on pense à Axe, où là, il joue énormément sur les codes, voilà, virilité et tout. Est-ce que toi, par exemple, c'est un produit, enfin, une pub qui te parle, ou tu trouves ça trop Alors, caricatural, ou... ouais, pour le coup, Axe, je trouve ça trop caricatural et j'ai Ouais. jamais essayé ou cherché à essayer un produit. Je trouve que ça D'accord. fait un peu trop et c'est, je sais pas comment dire, mais ça ferait un peu moins naturel ou j'ai l'impression que c'est Ouais. fait, enfin, y en a, c'est trop fait pour C'est que. excessif, ouais. Ouais, Oui, donc exactement. limite, ça te donne plutôt un rejet, en fait, dans ces cas-là. Ouais, carrément, carrément. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous pensez de cette publicité, en l'occurrence, est-ce que, en tant que femme, est-ce que ça vous donne envie de l'acheter pour un garçon? Si des hommes nous écoutent, est-ce que vous l'avez déjà acheté? N'hésitez pas à intervenir si vous avez une petite une opinion par rapport à cette marque-là. Je ne sais pas si ça inspire quelqu'un ce Ouais, soir. peut-être. C'est vrai que moi, pour avoir déjà senti l'un de leurs produits, j'avais bien aimé. C'était assez frais et tout, mais en effet, la publicité est pas forcément va pas forcément dans la subtilité. Qu'est-ce que Ouais, c'est Léa vrai. Carbo en pense? Salut Oui, moi, Léa. ça m'intéresse plutôt pour un copain, ça pourrait être sympa. Parce que c'est vrai que, enfin, quand on analyse les publicités et tout, en fait, parfois, elle s'adresse peut-être juste à la femme qui va l'acheter pour l'homme. Donc, Ah c'est oui, rigolo si ouais. là, on n'a que trois avis pour le moment. Mais tu vois, toi, ça t'a plutôt pas donné envie. Et nous, on a Ouais. plutôt trouvé ça rigolo. Donc, c'est marrant. Ouais, c'est Merci, vrai. Léa. Alors, niveau entretien de la barbe, t'es déjà allé chez un barbier, du coup? Alors, je suis jamais allé chez un barbier, mais j'aimerais beaucoup. Ah ouais? Parce que j'essaye d'entretenir un peu ma barbe comme je peux. Mais Ouais. j'ai jamais eu de vrais conseils d'un professionnel pour avoir tous les tips, toutes les astuces pour avoir une belle barbe D'accord. bien, bien lisse, Ouais. bien homogène, où il Ouais. n'y a pas de trous, ce genre de choses. Et Ouais. voilà, donc ce serait intéressant, très intéressant, et je pense que je vais le faire d'ailleurs, aller chez un Ouais. barbier une fois, Ouais. qui me dise un peu tous ces conseils qu'il peut avoir par rapport à mon type de barbe aussi. Et Ouais. qu'après je puisse appliquer moi de mon côté parce que j'aime bien m'en occuper un peu moi. Pour toi, c'est un vrai comment dire? C'est un vrai atout. Enfin, la barbe, c'est vraiment, voilà, un élément important de la beauté masculine. Ouais, enfin de mon côté oui. On voit Après ton émoji que tu as choisi une barbe, en effet. c'est ça exactement, ouais. Donc voilà, vous avez l'idée, j'ai une barbe. Et je trouve qu'il n'y a pas tout le monde enfin, sur qui ça pourrait convenir. Mais Ouais. moi, chez moi, genre, c'est un élément très important. Enfin, genre, je trouve que j'ai un visage différent avec. Et Ouais. l'entretien de ma barbe, bah, ça fait aussi une différence. Ça fait plus soigné, par exemple, si elle est Ah ouais. taillée, si elle est un peu plus entretenue. Que D'accord. un peu négligée si elle est un peu laissée à l'abandon, quoi. Oui. Ouais. Oui, on voit tout de suite la différence. D'accord. Et du coup, combien de temps tu passes pour t'en occuper? Alors, quand je m'en occupe vraiment pour la tailler et tout, je vais passer peut-être une demi-heure sur ma barbe. D'accord. Ah ouais. Ah, on a d'autres interventions. Et juste avant de lire les interventions, une demi-heure à quelle fréquence? Enfin, c'est du coup, à quelle fréquence tu es obligé de passer du temps dessus? On va dire une fois par mois à peu près, ouais. À chaque fois, c'est la durée à laquelle je la laisse pousser pour la retailler derrière et la remettre bien comme il faut pour voilà qu'elle soit assez soignée, quoi. D'accord. Alors, on va écouter Moi, j'avais l'intervention de Léa. entendu parler de shampoing pour la barbe et du coup, je voulais savoir Ah. si Alexandre avait déjà testé. Bonne question, j'avoue. Ouais, très bonne question. Et d'ailleurs, oui, c'est le cas. On m'en a offert, hein. Voilà, Ouais. encore une fois, c'est pas moi qui l'ai acheté de mon côté, parce que je me lance pas trop dans ce genre de choses. Par contre, ouais, au niveau de la cosmétique, de la peau, voilà, je serais pas de mon initiative d'aller chercher un produit. Mais par contre, pour Ouais. la barbe, ouais, je pourrais le faire, D'accord. parce que j'ai vraiment envie de l'entretenir, et voilà, j'attends vraiment les conseils d'un barbier pour savoir quel bon produit prendre. Et du coup, oui, j'utilise un shampoing pour barbe. D'accord. De la marque Jean Belgueule, ça s'appelle. Donc Ah ouais. c'est un shampoing que je fais sous la douche. D'accord. Et tu t'en es plutôt satisfait. Ça fait vraiment un autre effet qu'un produit, je ne sais pas ce qu'on pourrait utiliser habituellement. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà essayé juste avec un gel pour le visage ou Ouais, le shampoing pour cheveux. j'ai déjà essayé avec un shampoing pour cheveux. Et alors, j'utilise pas non plus tous les jours le shampoing à barbe, mais quand je Ouais. l'utilise, je trouve que ma barbe est un peu moins rugueuse, on va dire. Enfin, c'est moins. D'accord. Ouais, c'est plus agréable. D'accord. Alors, on va aussi écouter Mathilde. Moi, je suis d'accord, je connais un petit peu Alexandre et c'est vrai que ça fait beaucoup plus. Hop, la Oui, ça suite. a coupé, mais je voulais dire que pour connaître un peu Alexandre, je trouve que ça lui va très bien quand sa barbe est taillée. C'est que ça fait Ah, très d'accord. soigné et du coup, on voit que c'est fait exprès et que c'est un de tes éléments enfin, physique, quoi, je sais. Ouais, Bon, ben, je vais aller la tailler ça, après ça le live, joue. hein. Là, ça faisait trop longtemps. Ouais, c'est Bah, ça. merci Mathilde. Compliment Ouais. accepté par Ouais, mais bah oui, carrément, merci beaucoup. Alexandre. Est-ce que tu pourrais nous faire rire en nous racontant peut-être une erreur que tu aurais faite avec des produits de beauté mal utilisés? Produits de beauté. Je réfléchis comme ça. Comme ça, j'ai pas trop d'idées. Si les, ah, les, ouais, c'est pas vraiment un produit de beauté, mais ça a pu m'arriver, par exemple, de prendre ma tondeuse Ah ouais? et de mal la régler et faire un Ouh là trou dans là! la barbe, quoi. Ah oui, Donc, d'accord, ouais. ouais, Et après, voilà, faut ça tout c'était. réégaliser, Voilà. quoi. Après, il faut Ah! tout égaliser et bon, tant pis, il faut la laisser repousser. Bon, heureusement, ça repousse vite. Mais bon, sur Ouais. le moment, t'es un Ah, peu c'est dégoûté, rageant, quoi. ouais. Ouais, Mais exactement. t'as toujours pu régler la situation, t'as jamais dû partir parce que c'était urgent et tu devais absolument partir même avec un trou dans la barbe. Non, non, non, ça j'ai Ah. toujours pu régler la situation. Ouais, Ça, c'est ça a inconcevable. été. J'essaye de bien savoir parce que je sais que ça me prend à peu près une demi-heure, Oui. que j'ai rien à faire sur la demi-heure qui arrive Ouais, je pour vois. pas avoir ce genre de problème, quoi. Si, si. Est-ce que tu as un produit de beauté incontournable? Un projet de beauté Du coup, ça serait incontournable. peut-être plutôt ta tondeuse s'il n'y a pas un produit. Ah, ça, Mais est-ce qu'il ouais, y a un la tondeuse produit carrément. Après, sinon, un produit, on va dire le parfum, j'en mets à chaque fois que je sors. Et Ouais. sinon, un produit en lui-même, je regarde, là, je suis dans ma salle de bain, mais ouais, non, pas un vrai produit cosmétique incontournable. J'en avais un avant, quand j'avais des problèmes d'acné, c'était un lavage pour le visage de la roche posée, c'est un gel moussant purifiant. Et D'accord. celui-là, bah pour moi, ça m'a beaucoup aidé à enlever mon acné. Donc D'accord. voilà. Ah ouais, sinon, je viens d'y penser. Enfin, moi, au niveau des shampoings, je fais quand même attention à ce que je prends. J'aime bien avoir un shampoing qui m'agresse pas le cheveu, enfin, qui m'adoucit plutôt les cheveux et qui correspond D'accord. à mon cuir chevelu. D'accord. Ah ouais. Alors, chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, vous le savez peut-être maintenant, les auditeurs imaginent de leur côté qui est notre invité. C'est l'imaginaire et c'est la force du podcast. Est-ce que quelqu'un voudrait estimer l'âge d'Alexandre? En plus, On va. j'ai dû donner des petits Ouais, indices là des pendant le indices, je live. pense. On va pas les récapituler, mais Ouais, non, c'est non. possible. Moi, je me suis rendu Qui est compte que j'avais quelqu'un? donné un indice sans faire exprès, mais bon. Oui. Bon, bah, c'est comme ça, on teste l'attention de nos éditeurs. Est-ce que Ouais. tu peux jouer le commentaire si tu y arrives? Ouais. Est-ce que tu vois comment faire? Alors. Alors, comme j'ai entendu que Alexandre était étudiant, je dirais qu'il a 22 ans maximum. Ok. Ok, 22 je fais ans. le deuxième, c'est avant de répondre. Vas-y, vas-y. Ouais. Alors, moi, je pense que Alexandre a 25 ans. 25 ans. Ok. Ok. Peut-être qu'il va y avoir Est-ce d'autres qu'on... réactions. On Attends un va peu avant que je attendre dévoile. Ouais. quelques secondes, voilà. Mais est-ce que c'est déconnant? Déjà, un indice. Non, non, c'est assez, assez bien visé, on va dire. Alors, est-ce qu'une dernière personne se tente, se lance plutôt? Bon, je pense que tu peux Ouais. nous Bon, bah, dévoiler ton âge. j'ai 20 ans. Donc voilà, 20 c'était ans. pas très loin. Il y avait 5 ans max de différence. Donc Ouais. voilà. J'ai fait la. Voilà, c'était par rapport aux examens. Comme je dis, j'ai étudiant, comme t'as Oui, dit, j'avoue, l'IA. j'avoue. On se dit Elle du coup que t'es l'a bien étudiant. retenu. Ouais, il y a une autre réaction, je vais l'écouter. Peut-être c'était. Vas-y. Rendez-vous 22h sur mon profil, gros débat sur la politique. Est-ce qu'on peut interpréter ça en âge? Non, je ne crois pas. Non, Bon, je pense pas. merci Je pense quand que même. voilà, une petite pub pour. Personnel. D'accord, Ouais, c'est donc ça. 20 ans. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante justement en diététique et nutrition. Donc, Ah. comme je disais tout à l'heure, mon rapport à l'alimentation est assez important pour moi. Donc, je fais Ouais, assez ouais. attention et ouais, ça a de l'importance Ouais. dans ma vie de tous les jours. D'accord, top. Est-ce qu'on aurait une autre info à faire deviner? Je voulais faire deviner le temps que tu passes, mais du coup, c'est vrai que dans le test, on en Ouais. parlait déjà. Je pense que je vais dévoiler sur Instagram la photo que tu as bien voulu me Ouais. donner pour donner une petite Idée. info sur toi. Et du coup, on peut peut-être faire deviner ton style vestimentaire si quelqu'un veut s'y essayer. Et moi, Ouais, je super. prépare mon poste pour l'instant. J'écoute Parfait. la réaction de Mathilde en attendant. Vas-y. Non, merci, on préfère la beauté ici. C'est trop réaction incroyable. au débat politique. Ouais, débat de beauté chez nous. Suis d'accord, je suis d'accord. Hop là. Et donc, c'est parti pour Instagram. Tac, tac. Bon, donc du coup, on n'a pas encore de pronostic sur ton style vestimentaire. Est-ce que tu... Ah, peut-être. Ouais. Euh, Je te moi, ça laisse. m'étonnerait pas qu'il s'habille un peu de manière sportwear, genre sport, quoi. Ah, j'avoue, vu que tu as dit que tu passais beaucoup de temps... Ouais. J'écoute celle de Moi, je Léa verrais bien Carbo. Alexandre en chic mais confortable, donc parfois classe, parfois jogging. D'accord. Alors, du coup, pour répondre, le sportswear, quand même, c'est assez rare. Je mets rarement un jogging, mais ça peut m'arriver. J'aime bien pour être assez confortable. Voilà, mettre un jogging un peu joli ou quoi. Et sinon, ouais, plus généralement, c'est assez. Comment dire? C'est plus. Je sais pas, je vais mettre un jean avec un beau pull ou quoi que ce soit de ce D'accord. type-là. D'accord. Tu fais plutôt attention à ta tenue. En général, c'est important Ouais. pour toi aussi. Ouais, bah, tenue, j'y prête attention. Et même si je vais pas aller chercher les derniers articles à la mode, voilà, on va dire régulièrement, Oui. je fais quand même attention à ma garde-robe, ce que je mets. Voilà, donc il peut m'arriver d'acheter certains habits que j'aime bien qui vont plus correspondre à ma personnalité, à ce que j'aime mettre, à comment je sais pas comment dire, mais à paraître, mais pas pour les Oui. autres, plus pour moi. Donc Ouais. voilà. Selon ton humeur, par exemple, c'est ça Ouais, peut carrément. jouer. D'accord. En tout cas, vous pouvez du coup visualiser le style d'Alexandre si vous le souhaitez sur mon Instagram Beauté Imaginée. Alors maintenant, on va faire la rubrique La Belle Minute Scientifique. Donc, la belle minute scientifique, c'est un moment où on développe un peu une information, un mécanisme de beauté. Chers auditeurs, je vous demande de regarder vos ongles. Est-ce que vous avez des taches blanches sur les ongles? Toi, Alexandre aussi, est-ce que tu peux me dire si tu en as? Moi, j'ai deux ongles en l'occurrence avec des petites taches blanches. Alors là, je suis en train de regarder et j'en vois pas, mais ça D'accord. m'est déjà arrivé. Je crois que Tu ça vois de fait quoi il longtemps. Mais s'agit? ouais, carrément. Ça peut m'arriver de temps en temps d'en avoir. Moins j'ai l'impression, ou peut-être j'y prête moins attention, Ouais. mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Alors, du coup, en fait, là, je te laisse jouer Ouais. le commentaire. Moi, j'ai quatre petites taches blanches, mais vraiment légères, alors que d'habitude, D'accord. c'est plus prononcé. D'accord. Ok. Le confinement a-t-il eu un lien? Ouais. On ne le sait peut-être pas. Du coup, je vous poste un petit schéma sur la croissance de l'ongle sur toujours le Instagram. En fait, la dernière fois, nous avons Léa, du coup, qui avait demandé à quoi étaient dues voilà, les taches blanches. Et je voulais refaire un point sur la croissance de l'ongle en même temps. En fait, Ouais. déjà, on l'avait dit, ça n'a rien à voir avec le manque de calcium, hein. C'est en fait dû à Ouais. un léger choc que votre ongle a pu recevoir, qui a perturbé sa croissance. Donc, les OK. cellules, les kératinocytes, qui constituent la partie de l'ongle qui peut avoir ces petites taches blanches, ne perdent pas leur noyau lorsqu'elles ont reçu un choc. Et du coup, leur noyau étant a priori plutôt blanc, ça ne va plus être transparent et ça va se voir à la lumière. Mais donc, rien de grave à ce phénomène, hein, les taches blanches sur Ouais, ok, l'ongle. ça arrive Voilà. régulièrement, ça n'a pas d'impact, Exactement. quoi. Ok, C'est ça. Et intéressant à du savoir. coup, pour la croissance de l'ongle, en fait, il croît par kératinisation. En fait, les nouvelles cellules de l'ongle sont synthétisées dans la matrice de l'ongle. Et cette matrice est cachée juste sous le cuticule. Je ne sais pas si tu visualises le cuticule, c'est ce qui entoure l'ongle, Ouais. la petite peau toute fine. Et la croissance de l'ongle, du coup, elle va démarrer sous ce cuticule au niveau de la matrice et elle va se Ok. faire vers l'avant et en continu. Donc, c'est dans cette matrice qu'on trouve les kératinocytes qui vont synthétiser une kératine rigide, en fait. Alors que tu Ok. vois, il y a de la kératine aussi dans les cheveux et Ouais. là, bah, elle va être beaucoup moins rigide. Elle est Ouais. un Ok, petit peu d'accord. différente du coup. Et contrairement aux cheveux d'ailleurs qui poussent par cycle, pour les ongles, c'est une poussée en permanence. D'accord, ok, ouais, ok, je vois. Il y a une réaction Alors, de Léa. alors. J'ai entendu que vous aviez parlé de kératinisation. Je voulais Alors, savoir comment ça s'appelait, s'il vous plaît. J'aimerais faire des recherches dessus. c'est une petite private joke parce que Léa m'avait déjà fait demander Oui, ça à je m'en un live souviens. précédent. C'est pour ça que Donc. je rigole. Est-ce que toi, tu sais les plaies, Alexandre? Ouais, ça devrait aller. Alors, K-E accent aigu, R-A-T-I-N-A-S-I, kératine. Ni, non, kératine, ni, non, Sartion. Ouais, ça me semble pas mal. Alors, maintenant, c'est parti pour la rubrique Vrai-Faux. On va tester tes connaissances beauté, Alexandre, ce soir. Ok. Du coup, la fonction démonctoire de la peau est bénéfique. Oh là, ça c'est un mot spécial. On va dire vrai. Ouais, très bien. En fait, en anatomie, un émonctoire désigne un organe ou une partie d'organe qui permet à l'organisme d'éliminer ses déchets, ses sécrétions plutôt nuisibles. Donc, tout comme le foie, les intestins, les poumons, le pancréas et les reins, la peau en est un Ouais. aussi. C'est pour ça qu'on peut dire que ce qui se passe à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur via la peau. D'où Ok. l'importance de l'hygiène de vie, du coup, Ok, sur ok. la peau. Alors, c'est déjà un bon point pour toi. Ouais. J'ai oublié de proposer à nos auditeurs de se positionner aussi, si vous avez des idées sur ces questions. Deuxième question, Alexandre. Les crèmes de nuit, par opposition aux crèmes de jour, font office de protection pour la peau. Vrai ou faux? Crème de nuit. Allez, je dirais faux. Ok. Est-ce que quelqu'un veut se positionner? Ça fait peur, Ouais, il les n'y a questions. personne qui se lance. Bon, bah du coup, en effet, bien joué. Un autre bon point pour toi. toi. En fait, la nuit, les cellules se régénèrent. Donc, les crèmes cosmétiques pour la nuit sont plus riches en actifs, alors que ce sont les crèmes de jour qui vont, elles, permettre plutôt une protection, tu vois, face à la pollution, aux rayons UV, etc. Est-ce que Mathilde avait trouvé? Je dirais que c'est vrai. Désolée, désolée Mathilde, c'était faux. Et La en fait, prochaine. ouais, c'est ça. Le sommeil aide la peau pour la cicatrisation et la réparation, l'oxygénation et ses cellules, le renouvellement cellulaire. Tout ça permet un teint plus éclatant et moins d'infections, donc moins de boutons. Et quand on ne OK. dort pas assez, le système global est plus lent, les défenses immunitaires, elles vont être moins fortes. Et du coup, tu vois, le corps, il est obligé un peu de prioriser ses actions. Et Ouais. ça, c'est des actions qu'il sacrifie. Donc, ça se OK. voit sur la peau. Ah, très intéressant quand même. Troisième question, Alexandre. Lorsque le corps crée trop de radicaux libres, ils ont un impact néfaste sur la peau. Vrai ou faux? J'irai vrai. Est-ce que quelqu'un veut participer à cette troisième question? On est pour l'instant à deux bonnes réponses d'Alexandre. On va essayer de continuer. Les radicaux libres, est-ce que ça inspire quelqu'un? Pour toi, ça sonne plutôt comme quelque chose de négatif, les radicaux Bah, libres. en fait, j'en ai déjà un peu parlé dans le cadre de mes Ouais, études. Donc, d'accord. ça me parle un peu, ce qui est radicaux libre, mais je dirais que en excès, bah, Ouais, c'est pas bon. d'accord. Qu'est-ce que nous propose Mathilde? Je dirais faux, mais c'est compliqué puisque les enregistrements doivent durer 3 secondes minimum. Ah, d'accord. Ah oui, donc on peut pas se contenter d'un faux ou d'un vrai. Ah ouais, j'avoue. Ça, c'est bon à savoir, je savais pas. Merci Mathilde de ta participation active. Ouais, merci Mathilde. Du coup, les radicaux libres, en effet, c'est vrai, ils ont un impact néfaste quand ils sont présents en grande quantité. En fait, ce sont des molécules instables, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de s'associer avec d'autres éléments parce que leurs liaisons ne sont pas complètes chimiquement, tu vois, en termes voilà, de OK. liaisons chimiques. Ils participent du coup à nos défenses immunitaires, c'est ça leur grand intérêt, contre les Ouais. micro-organismes étrangers, parce qu'ils vont un peu les capter, ils vont s'accrocher entre guillemets à eux. Mais du OK. coup, ils peuvent aussi agresser les tissus en les oxydant. Donc, une astuce, c'est de manger des antioxydants pour limiter ce vieillissement cutané causé par les radicaux libres. Tu sais OK, un petit peu d'accord. les antioxydants en nutrition, tu connais un Oui, il peu? y a plusieurs aliments, types d'aliments. Ouais. Donc, c'est en fonction souvent des vitamines qu'ils contiennent. Ouais. Donc, ça peut être tout ce qui est. Je sais que dans les fruits rouges type mûres, cranberries, il y en a pas Ah, mal. c'est... Ah, d'accord. Ah, ça, Voilà. je ne savais pas. Fraises, framboises, ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire D'accord. que Oui, les fruits en après, général, c'est ouais. ça, ouais. Ouais, même ouais, d'autres fruits. Après, il peut y en avoir aussi dans le saumon. D'accord. Voilà, enfin, poisson gras en général, on va dire plutôt. D'accord. Et Et les voilà. épices aussi, j'avais Ouais. lu. Ouais, ça a Ouais, de bonnes carrément. vertus aussi. Ok, donc on sait ce qu'on va manger demain midi. Alors, du saumon épicé avec des mûres. Je ne sais pas si ça va C'est plaire, parfait. On va essayer de trouver une recette. Alexandre. Ouais, j'avoue. Quatrième question, Alexandre. Les produits laitiers fermentés, yaourts et fromages ont bien moins d'impact sur la qualité de la peau. Vrai ou faux? Que sous-entendu que les produits laitiers qui ne sont pas fermentés. Hein. Ouais, je dirais vrai. Alors, on laisse quelques secondes pour voir si quelqu'un Ouais. s'essaye à cette réponse. Est-ce que les produits laitiers fermentés seraient plus néfastes, entre guillemets, pour la qualité de la peau que ceux qui ne sont pas fermentés? Eh bien, c'est vrai. Bien joué. Pour l'instant, tu es à un sans faute. Hein. Ouais, En fait, super. là, ouais, tu connais bien, bien le sujet de l'hygiène de vie et de la beauté. Ah, on va quand même laisser chance à Léa. Alors moi, j'aurais dit que c'était vrai, du coup, comme Alexandre. Elle l'a dit. Ah oui, non, c'est bon, On j'avais pas est... encore dit que c'était bon, je pense. Ouais, on est d'accord. Du coup, voilà. En fait, la fermentation, ça diminue la quantité de sucre qui est dans le produit laitier. Et du coup, c'est dans le lait entier que là, énormément et Ouais. ça va être assez inflammatoire. Donc ça va provoquer des inflammations non seulement cutanées, mais aussi dans tout le corps. Et pour info, trop d'inflammation dans l'intestin puis dans tout le corps, vers le cerveau notamment, ça peut causer de la déprime. Ça joue aussi sur le moral. Donc non Ouais, seulement ça joue d'accord. sur la qualité de la peau, mais en plus ça peut jouer sur le moral. Donc ouais, les produits laitiers, si on les digère aussi, ça dépend aussi Oui, c'est vrai. du seuil de chacun, mais ça peut avoir un Exactement. Il y a des impact. quantités et tout ça. Et je sais que pour les produits laitiers fermentés, Ouais. c'est en général, voilà, les propriétés, elles ont été diminuées. Que ce soit en calcium, ce genre de choses, il y en a beaucoup moins. Ah, Même en lactose, il y a oui. beaucoup moins de lactose dans un produit fermenté, donc D'accord. peuvent être plus tolérés. Ah ouais, d'accord. Il y a une petite réaction de Mathilde. Je pense que ce serait plutôt faux. Mathilde, aujourd'hui, elle est au top. Ouais, elle est au top. Au moins, elle est très active, mais bon, Oui. c'est quantité et pas qualité là ce soir, Mathilde. C'est ça. Merci, Mathilde. Pour l'instant, on est à quatre bonnes réponses par Alexandre. On passe à la question 5. Le sport détériore la qualité de la peau en la faisant trop transpirer, en fait. Je dirais faux. Est-ce que quelqu'un va réagir? Bon, en tout Allez, cas. Mathilde, lance-toi. Ah ouais. Non, non, mais je parlais de celle dans deux questions. N'importe quoi. Elle Remarque joue à que pile ou Mathilde face, Mathilde. est quelqu'un de drôle. Ouais, Il a beaucoup en effet. d'humour. Je pense qu'il y a des personnes sur ce live qui peuvent confirmer. C'est clair. Du coup, en effet, c'est faux. Le sport, au contraire, c'est vraiment bénéfique de transpirer pour éliminer tout ce qui est toxines et tout. Parfois, les toxines vont s'éliminer, c'est vrai, à travers un bouton, donc on peut se dire que c'est négatif, mais c'est de toute façon pour qu'elles s'éliminent, pour pas qu'elles restent stockées à l'intérieur. Et j'en profite, ça répond à une question que Léa, ma dernière invitée, avait posée. Elle avait entendu, elle, que la transpiration abîmait la peau, en fait. Et bon, d'après mes recherches, la transpiration, donc, est bien bénéfique, c'est sûr, pour le corps. Par contre, si on ne se lavait pas après avoir transpiré du tout, la sueur des zones à forte pilosité, cette sueur, elle est un peu particulière, c'est la sueur appelée apocrine. Et cette sueur-là, au niveau de sa composition, elle est constituée de beaucoup de lipides. Et le Ok. problème, c'est que quand il y a des petits lipides comme ça sur la peau, il y a les bactéries qui sont présentes sur la peau naturellement qui vont s'en nourrir, donc proliférer. C'est en Ok, ça d'accord. qu'après, ça peut être un peu irritant et tout ça. Et ce que le site des dermatologues notamment précisait, c'est que après, si on transpire beaucoup sur un éventuel eczéma, ça peut justement l'irriter davantage et du coup l'aggraver. Donc, morale, Ouais. c'est important pour le corps qu'on transpire, mais il vaut mieux se laver après. Ouais, voilà, faut après une bonne séance de sport et une bonne Voilà. douche. Je ne sais pas si c'était un scoop, mais. Je Imagine pense l'auditeur que la qui dit plupart waouh, du ouais, mais temps je savais pas du tout. je pense que la plupart Ça du fait temps les 20 gens ans que. prennent leur douche après, mais Ouais, voilà, c'est traditionnellement ça se fait comme ça, mais bon. Voilà. On n'a pas peur. C'est comme le débat politique ici, on n'a pas peur de oui, casser les voilà, codes et tout. exactement. Alors, sixième question. La vitamine Z3 est un anti-inflammatoire et apaise ainsi l'intestin et le corps. Vrai ou faux, Alexandre? Vitamine Z3, Z3. je dirais vrai. Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un partage l'avis d'Alexandre ou non? Qui se lance sur la vitamine Z3 que j'ai inventée? Ah d'accord, Alors, ça sonne super. bien, hein, Mathilde. Je Ouais, dirais que c'est je plutôt faux. Peut-être que Mathilde a eu le temps de taper vitamine Z3 et a vu aucune. Ça fait un peu nom de voiture d'ailleurs, je trouve. Enfin, je ouais, sais pas. je. Bon, bah, c'est ta Ouais, première erreur, j'ai Alexandre Navré. une erreur. Donc, en fait, par contre, il y a bien une vitamine enfin, qui est un anti-inflammatoire et qui va apaiser ainsi l'intestin et le corps des éventuelles inflammations. C'est la vitamine E. Voilà. Elle est présente notamment dans l'avocat. Et donc, d'autres infos sur les vitamines. La vitamine A, elle va aider à produire de la mélanine. Donc, quand vous partez au soleil et que vous voulez optimiser, augmenter naturellement votre bronzage, mangez beaucoup de fruits parce que lorsqu'ils ont de la vitamine A, ça va donc aider dans ce sens. La vitamine C, elle est donc pas mal dans les agrumes et tout, c'est un antioxydant et en plus elle diminue les hyperpigmentations du teint. Donc tout ce qui est un peu peut-être rougeur, etc. Tu vois, ça va un peu Ouais. plutôt blanchir. Ok. Nous avons aussi les oméga-3 qui sont très bons. Tu évoquais le saumon tout à l'heure, tout ce qui est poisson Ouais. gras, ça a aussi des oméga-3. Et ça, c'est drainant. Ça va aider à l'élimination de l'eau et donc des toxines. Et enfin, pour info, les oméga-6 constitués, enfin pardon, contenus dans les graisses de viande, ils vont aider à l'élasticité. Et c'est un anti-âge naturel du coup, parce que l'élasticité, c'est ce qu'on a Ouais. tendance un peu à perdre au niveau des tissus de la peau avec le temps. Et c'est souvent une action que les marques, les crèmes anti-rides et tout prônent, le côté élasticité retrouvée. Donc les Ouais. oméga-6 des graisses de viande vont y aider. Ça va, t'as l'impression d'être en cours de nutrition ou... Bah franchement j'arrive à suivre, enfin, c'est très clair pour moi du coup, parce que Bah oui. j'ai l'habitude même quand tu me parles de viande et d'oméga 6 et qui ont un rapport pour l'élasticité de la peau, je sais que dans la viande il y a pas mal de Ouais. collagène D'accord. et je sais qu'on s'en sert notamment comme anti-rides, on va dire. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai, hein. On entend souvent des crèmes qui prônent ça, j'avoue. Bon, Ouais. bah donc ça va, c'est comme ça. Tu restes dans ton élément pour tes examens, tu disais. Ouais, ça On va va, à part écouter la vitamine Mathilde. Z3 où je me suis Voilà. dit, bon, bah, va m'en apprendre une. J'avoue. J'aimerais bien, je sais pas si c'est possible, mais de refaire un live avec toi, Alice, du coup, pour parler de Ouais. d'épilation. Je pense que je serai un peu plus calée que l'autre fois. Ah, d'accord. Avec plaisir, Mathilde. On va programmer ça, ouais. Carrément. C'est vrai que l'épilation, on peut. T'as l'impression, toi, Alexandre, en tant qu'homme, que c'est un sujet, enfin, qu'on peut vite traiter ou qu'il y a beaucoup de choses à savoir dessus, toi, l'épilation comme Alors, ça. personnellement, je n'en ai jamais fait. Enfin, une Ouais, c'est fois, vrai que je t'ai pas puis. demandé tout à l'heure. Ouais, une fois, j'en ai fait, mais c'était pour. Enfin, c'était quasiment insignifiant. Mais sinon, D'accord. j'en fais jamais. Mais par contre, ouais, j'ai un ami à moi qui a l'habitude d'en faire et qui. Et pour lui, je crois que c'est un peu un élément essentiel De sa beauté et de ouais, de son sa du beauté, fait de prendre exactement. soin de lui et tout. Ouais, Ouais. carrément, ouais. Donc Mais je pense que c'est ça dépend des personnes, ouais. oui, c'est sûr. Et puis c'est vrai que c'est quand même surtout les femmes qui sont Ouais. concernées en général, un peu par ce diktat, même si ça peut C'est ça, avoir ouais, tendance à exactement. évoluer. Mais bon, en France, quand même, pour le moment, je trouve que c'est encore assez, c'est Oui. assez prononcé, hein, la mode et le côté sans poils et tout ça. Mais du Ouais. coup, ouais, c'est hyper complet comme thème en vrai. Donc, on peut carrément faire un live dessus, Mathilde, avec plaisir. Qu'est-ce que Ouais, Léa c'est. veut Du coup, comme ajouter? j'entendais que tu prends soin de ta barbe, est-ce que tu as déjà pensé à faire de l'épilation sur le visage, du coup, pour la barbe? T'as trop de barres maintenant. Ouais, c'est ça, exactement. Je n'ai jamais pensé à faire de l'épilation parce que moi, ma barbe, elle est assez. Je sais pas comment dire, mais elle est assez évoluée. Enfin, bon, je pense que l'épilation dessus, ça passerait pas, ça ferait beaucoup trop défaut. Ou sinon, sur les petites zones, par exemple au-dessus des joues, non, Ouais. parce que j'ai pas vraiment de poils qui poussent dessus. Donc, à la limite, si jamais je vais enlever les un ou deux qui poussent, je le ferai plus avec une pince à épiler Ouais. que utiliser un gros truc, des bandes de la cire pour Ouais. épiler. D'accord. Donc voilà, non, j'ai pas l'habitude, je le fais, je taille ma barbe avec une tondeuse, donc voilà. Oui, maintenant que tu as pris ce pli-là, c'est vrai que ça serait peut-être difficile. Ouais, Mais ouais. douloureux, en tout cas, Oui, ouais, de carrément, revenir carrément. en arrière. Léa, Et toujours. une autre question aussi qui concerne peut-être un peu plus les hommes, qu'est-ce que tu penses des poils dans le nez, dans les oreilles? J'adore, j'imagine. Ouais, c'est intéressant comme question. Parce que j'ai. Ouais, personnellement, j'ai déjà réfléchi à, je sais pas, pouvoir les épiler, les enlever, les poils Ouais. dans le nez. Parce que je pense que c'est plus agréable. Après, ils ne se voient pas. Après, s'ils peuvent être un peu apparents, je pense que je Oui. l'aurais fait. Parce que, D'accord. voilà, je trouve que c'est plus esthétique quand il n'y en a pas. Et pour les oreilles, ouais, j'en ai pas des apparents non plus. Donc à ce niveau-là, j'ai jamais trop réfléchi. Mais Mais c'est tu vrai que pourrais en tout si j'en cas y avais, ouais. penser. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais. Alors que par exemple, pour des zones, je sais que par exemple, les femmes auront plus tendance à s'épiler avec, je sais pas, de la cire ou passer. Ouais, la plupart du temps, je dirais de la cire. Sous les aisselles, moi je vais plus avoir tendance à utiliser une tondeuse ou quoi que ce soit, je trouve ça Ah plus oui. pratique personnellement. Bien sûr, et moins douloureux. En fait, Ouais. ce qui n'est pas évident, c'est que quand. Mais du coup, je ne veux pas empiéter sur le live avec Mathilde, mais quand toi, tu peux te permettre qu'il y ait en transparence, qu'on puisse voir, même si tu le fais régulièrement, qu'on voit encore des poils sous Ouais, les aisselles, alors que voilà. pour une femme, c'est un peu plus délicat. Si, quand on rase, du coup, on peut avoir de plus en plus cet effet un peu gris. Et donc, c'est pour C'est ça ça, que ouais. l'épilation va peut-être, vu qu'on a, nous, quand même ce dictat du zéro poil Oui, et tout, bah ouais, exactement. Ouais, on ouais, n'a pas cette chance de pouvoir dire, ah, c'est plus pratique. oui, c'est ça. Non, Alors que mais moi, cela dit, je le beaucoup le fais. font. Ouais, Hein. c'est Ouais. vrai, c'est moins dérangeant du coup. Ouais, Donc ouais, c'est mieux. ça dépend de la pilosité et tout, mais c'est sûr que c'est Il y a une petite pratique et réaction, ouais. indolore. Alors. Est-ce que tu serais prêt plus tard à t'épiler le nez? Bah du coup ouais carrément si jamais c'est dérangeant apparent ou quoi je pense que je le ferai ouais Donc avec Alexandre, on peut dire que tu es prêt à souffrir pour être beau. exactement On l'entend rarement sous cette forme-là, mais ouais, bah c'est bien. Bon, ça fait plaisir de voir que les hommes aussi, hein, de plus en plus, ouais font bah oui il n'y a pas de attention. raison Et hein. bah ouais, c'est cool. Et c'est vrai qu'en plus, ça peut faire. Enfin, le fait d'en parler et tout, ça peut donner des idées. Ouais, Cross carrément. genre comme ça, Et je donc trouve que ça se c'est vraiment développe intéressant. de plus en plus. J'avais vu quelqu'un, par exemple, dans un Sephora aux États-Unis, un homme qui était maquillé. Ouais. Et Ah j'avais oui. trouvé ça enfin, vraiment très beau. Il avait une peau Ah ouais. hyper belle et ça rendait super bien. Et D'accord. du coup, ça donnait envie. Et ça Ah faisait ouais. pas. Ça restait masculin. Donc, Ah oui, ça c'était. enlevait pas sa virilité. Ouais, exactement. Donc D'accord. ça ajoutait pas un côté féminin ou quoi que ce soit, Ça même faisait plus si il y en a artiste, qui peuvent peut-être. apprécier. Ouais. Ouais. Et donc c'était, enfin ça, vraiment, j'avais l'impression que la peau était clean, était toute Ah lisse. ouais, C'était je ouais. vois. Donc Donc, c'était c'était pas assez. les codes féminins, peut-être, de maquillage, genre l'eyeliner et tout ça. C'était plus la Ouais, netteté de non. la peau qui t'a Exactement. marqué. Ah, c'est marrant, ça. Ah ouais. Ah, Ouais, c'est donc marrant. très intéressant. Alors, on continue. On était donc à 5 bonnes réponses sur 6. Ouais. Septième question. C'est dans les 5 heures après un excédent de charcuterie qu'on peut déclarer un bouton. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Est-ce que quelqu'un va rebondir? On a 4 auditeurs. Est-ce que, chers auditeurs, vous êtes inspirés par cette question-là? Combien de temps après avoir mangé très très gras, donc de la charcuterie, on peut déclarer un bouton? Bon, je vais dévoiler. Tu nous as Ouais. dit donc vrai 5 heures après? Ouais, je dirais vrai. Que dit Mathilde? Je dirais que c'est faux. Eh bien, cette fois-ci, c'est Mathilde qui a eu Ah. bon parce qu'en effet, c'est faux. C'est 48 heures après, en fait. Ok, d'accord. Bon, bah, ça me J'ai fait fait plaisir exprès de pour dire 5 Mathilde. heures pour que ce soit très rapide. Bah ouais, Ouais, ça j'avoue, paraissait il lui crédible. fallait une petite victoire. Ouais, en fait, non, ça veut dire que le temps que le foie vraiment digère, c'est le cas de le dire, l'information et se plaigne de cet excédent, il faut quand même pas mal de temps. Ah, Polem, bonjour Polem. Moi, je dirais approximativement 5 secondes, c'est-à-dire une bouchée et un bouton. Ah ouais, ce serait, je sais pas si tu as vu. Un des films cultes de Louis de Funès, L'aile ou la cuisse, mais il y a Ouais. une scène comme ça, un peu caricaturale. Donc, en effet, Ce serait un peu c'est embêtant quand rare même. que ce soit, c'est clair. Bon, au moins, cela dit, on saurait tout de suite à quoi c'est dû, cela dit. On mangerait Oui, c'est beaucoup mieux, vrai. attends. Non, ce C'est serait vrai pas qu'on si mangerait mal, beaucoup hein. mieux si on avait des alertes Ah directement, ouais, mais. instantané. Bah, Polem, peut-être que tu viens de nous faire penser à un concept, là, créer Ouais. un. Je sais pas moi, un complément alimentaire qui directement ferait une réaction avec le mauvais produit et bam, Ça serait Après, du tellement, moment qu'on tellement n'est pas moche direct. défiguré, Ouais, c'est ça clair. Ou que c'est, devrait aller. ou disons que c'est réversible, quoi. Vous Oui. êtes défiguré quelques secondes et après ça revient. Ouais, ça va. Alors, du coup, huitième question, Alexandre. L'alcool aussi peut avoir un impact sur la peau. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Est-ce qu'un auditeur veut proposer sa réponse? Vrai, faux? Est-ce que l'alcool peut avoir un impact sur la peau? On a parlé de plusieurs éléments qui avaient des impacts sur la peau là, depuis tout à l'heure. Ouais. Donc, l'alimentation, le gras notamment, tout ce qui est graisse Ouais. saturée, en fait, c'est assez négatif pour la peau. Le sport aussi, ça va être plutôt positif avec l'élimination des toxines. Ouais, Léa? alors Moi je dirais vrai, je pense. Vrai pour l'alcool? Ouais, et du coup, ouais, pour l'alcool, je dirais, enfin, comme j'ai dit, vrai, vrai parce que on a pas, enfin, tu as parlé du foie tout à l'heure et je sais que Ah oui. l'alcool il agit sur le foie et du coup, si ça a des répercussions sur le foie, ça peut aussi avoir des répercussions sur la peau, mais Ah bah peut-être que ouais. je me Ah, je trompe. vois. Est-ce que Paulème est de ton Moi, je avis? dirais oui, quand même, ouais. Ça me semble logique, enfin, quand ça a un impact sur le cerveau, ça touche la circulation du sang. Donc, Ouais. ouais, je dirais oui, vrai. Alors, tout à fait. Voilà, c'est un sans faute, hein, pour tous les trois. En fait, l'alcool dilate les vaisseaux à la surface de la peau. Ça provoque un peu des flushs. Et du coup, ça peut même, si on en abuse, provoquer de la coupe rose sur le long terme. Donc là, c'est carrément des petites traces irréversibles, quoi. Et le Ok, vin d'accord. rouge, ouais, c'est quand même, ça peut être gênant. Sinon, Ouais. les flashs, là, les flushs, c'est assez temporaire, hein. Ouais, Et ok. en fait, dans le vin rouge, il y a des tanins qui passent dans le sang, en effet, puisque Paulhem nous évoquait la circulation du sang, et peuvent provoquer ces rougeurs comme ça. Ok. Il y a d'autres effets de l'alcool sur la peau, dilatation des pores, apparition de comédons, parce que ça va un peu, du coup, graisser la peau et exciter les glandes sébacées qui produisent le sébum, et un tinterne Ok. aussi. Donc, c'est vrai que l'alcool, pas ouf pour la beauté du visage. D'accord, bon, moi. Qu'est-ce que proposait Est-ce Mathilde? que Polem a l'air bien renseigné? Est-ce que il voudrait bien faire un live un jour? Ah, on recherche des invités masculins qui sont prêts à parler beauté avec nous. Polem, si ça t'intéresse, Mathilde sera ravie de t'écouter. Alors, neuvième question. Donc là, on avait une bonne réponse. Donc pour l'instant, tu as eu Je crois seulement que je une suis mauvaise ou deux Non, mauvaises, je deux, deux, crois. deux. Ouais, il y a Deux la mauvaises, Z3 et l'autre, je ne sais ouais. plus. Ah oui, c'était 5 heures, la charcuterie. Ah oui. Ouais. La Z3, tu t'en remettras pas. Ah, ça. Neuvième question. C'est en faisant une réaction avec la salive que la bouffée de cigarette a un impact sur la peau. Vrai ou faux, Alexandre? Allez, je vais dire vrai. Alors, est-ce que vous avez des idées, les Eh ben auditeurs? écoute, pourquoi pas, je suis ouvert. Ah bah, super Super. Paulème. Tu nous dis s'il y a un thème de beauté qui t'intéresse plus. Moi, je dirais que c'est faux. Je préfère Faux que ce soit la pour salive. la salive avec la cigarette. Eh bien, je vais vous révéler. C'est en effet faux. En fait, ce qui va avoir un impact avec la cigarette, c'est le fait que dans chaque bouffée de fumée, il y a 200 000 radicaux libres qui sont évacués. On en parlait tout à l'heure, les radicaux libres, Ouais. c'est bien quand on en fabrique naturellement pour les défenses immunitaires, mais par contre, ça va sinon oxyder la peau. Donc, rien à voir avec la salive, mais ces radicaux libres, ils vont bien attaquer les cellules de la peau et entraîner des effets sur le contour des yeux, notamment sur la OK. peau du visage, dans son ensemble. Apparition de rides, de cernes, épaississement de la peau et teint grisâtre. OK, d'accord. Donc, ouais. Alors, dernière question du vrai-faux dans notre live Beauté imaginée sur l'hygiène de vie avec Alexandre. Côté mental, le stress a des impacts négatifs sur le corps visuellement. Vrai. Ouais, je dirais. Est-ce que tout le monde pense que c'est vrai aussi? Le stress, on n'a pas beaucoup parlé hein, du stress, Ouais. alors que c'est vrai qu'on en parle aussi beaucoup. C'est un vrai élément. Ouais, c'est vrai, ça Moi, pourrait je le pense que faire. je dirais vrai, ouais, ça me paraît logique. Et Mathilde? Je dirais vrai aussi, je pense que le stress peut avoir que des impacts négatifs. Oui, alors ça peut aussi, je crois qu'il y a quand même certains, à court terme, des impacts positifs. C'est une Ouais. défense un peu du corps hein, pour être plus réactif, notamment face à un Exactement. danger. Donc, il Ouais. y a quand même Carrément, voilà. ça fait monter Ouais. l'adrénaline et du coup, ça Ouais. permet d'être plus réactif, bah, comme tu as dit, face à Réagir un danger, direct. quoi. Donc, ouais, il peut y avoir des effets positifs à court terme Donc, quand il Mathilde, même quand t'as bon, on essaye de te contredire. On n'est pas sympa. Mais donc, oui, c'est tout à fait vrai. Le stress a des impacts négatifs sur le corps visuellement. Bon, déjà, les cheveux peuvent tomber quand on est un peu stressé chronique régulièrement. Et en fait, la qualité et la vitesse de la cicatrisation sont directement liées au niveau du stress dans lequel on se trouve. Parce que l'organisme, on le disait un peu pour tout à l'heure, le sommeil, quand l'organisme ne dispose plus, pardon, des moyens de défense habituels, il doit prioriser en fait dans ses actions et la cicatrisation sera plus compliquée. Or, la cicatrisation, c'est nécessaire pourquoi, à ton avis, au niveau de la peau? Bah, régénération cellulaire, Ouais, les donc petits voilà boutons pour et tout, ouais, pour les évacuer, exactement. il faut que ça cicatrise en fait. Donc, ouais, c'est assez indispensable. Eh bien, alors, dis donc, je crois que c'est On une m'a fait sacrée note, 7 sur un 10, 8 ça sur va. 10. Ah, Ah, 8, non, je crois que c'est. Non, attends, je sais pas. mince. Pour Là, moi, j'en ai fait 3. après la Z3, il y a eu une autre Il y a eu erreur. la charcuterie. Et Z3, l'alcool, c'était bon. Z3, La ouais. réaction avec la salive, tu avais bon aussi. Non, j'avais faux, je crois. Je crois, si j'ai pas de bêtises. Mince. Donc. Il faut tout arrêter, je n'ai pas le bon compte. Bah moi, c'est vrai que j'avais mis bon. Alors, tu Bon, as bah, on va 7 dire ou que je 8 suis sur bon, 10. alors. Ouais, Allez, 7,5 j'ai sur quand même. 10. T'aurais dit que la salive avait un impact sur la bouffée de cigarettes. Mais je crois que j'ai dit vrai. Mais peut-être D'accord. que j'ai dit une Bon, bêtise. bah, Allez, on va dire ah, 7,5. je réécouterai. Voilà, c'était nuit pour information, pour ce vrai-faux dans Beauté Imaginée, j'ai utilisé plusieurs sources comme Observatoire Santé, Elle.fr, Syndicat Dermato, Le Figaro ou encore RTL. Eh bien, c'est bientôt la fin de notre live stéréo de Beauté Imaginée. Si vous avez des questions à poser à Alexandre, c'est le moment, chers auditeurs. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci d'avoir imaginé notre belle invitée. Et pour finir, Alexandre, j'ai deux questions pour toi. Ouais. Vendredi, déjà, j'inviterai Esther. Et je voulais savoir s'il y avait un thème dont tu voulais peut-être que nous parlions jeudi, vendredi, pardon. Ouais. Alors déjà, merci beaucoup parce que c'était très intéressant Super, ami, et merci. des nouveaux sujets abordés que dont j'avais pas vraiment entendu parler. Donc D'accord, top. enrichissant aussi. Et pour vendredi, ce qui me paraît très intéressant par rapport aussi à ce qu'on a vu aujourd'hui. Quand tu m'as parlé tout à l'heure des produits Axe, et je t'ai dit que pour moi, ça ne m'attirait pas confiance, parce que j'ai l'impression que ce n'était Ouais. pas un produit naturel par rapport à ce que je Ah oui. voyais. Donc tout ce qui est un peu produit naturel, bio, ce genre de choses, qui serait D'accord. vraiment, Ah ouais. qui aurait, je pense, le moins d'impact possible sur la peau. Donc, D'accord, ouais. enfin, que du bénéfice, ouais, ce serait pas mal, pourquoi pas. Ah, très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ouais, avec plaisir pour ce thème-là. Merci beaucoup. Super. J'espère que ça plaira à Esther. Ouais. Et est-ce qu'il y a éventuellement un mécanisme cosmétologique ou une réaction de la peau face à un produit particulier que tu aimerais que j'explique, pourquoi pas, dans la rubrique La belle minute scientifique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient Alors, ou pas spécialement? ouais, même si je sais que les études ne sont pas confirmées là-dessus, mais qu'il y en a Ouais. eu, c'est les sels d'aluminium Ah, dans d'accord, le ouais. déodorant, par exemple. Ah ouais, voir Je un trouve peu ça ce que je intéressant trouve. d'en parler. Ouais, Ah ouais, parce voir le que fonctionnement. Ouais. je sais notamment je sais que ça a des effets néfastes d'après les études qu'il y a eu, mais d'un autre côté, Ouais. les autorités ont interdit aux marques de marquer, par exemple, sur un déodorant sans sel d'aluminium, parce que Ah. ça n'a pas été vraiment prouvé que C'était c'était néfaste. ouais, que ça avait un réel impact. Donc voilà. D'accord. Ah ouais, intéressant. En plus, là, comme ça, spontanément, je ne connais pas du tout le fonctionnement. Donc, ça va m'apprendre. Ouais, j'ai hâte Ok, de le savoir. super. Eh bien, alors, nous avons une. info de Merci Mathilde. pour ce live qui était très intéressant et le sujet était original. Merci Cool! pour ta participation, hein. Grave, merci beaucoup Du Mathilde. coup, moi je trouve que c'était vraiment intéressant d'avoir un homme pour une fois. Ça fait déjà 2 fois que je viens et j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup Léa. Super. C'est Alors, top alors. du coup, c'est tout pour aujourd'hui sur Beauté Imaginée. Merci encore de nous avoir écoutés. Si pour mon prochain live, vous avez une idée de question beauté décalée, pourquoi pas, à poser à mon invité, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire, me contacter sur mon Instagram, Beauté Imaginée, avec entre les deux mots le trait du 8. Et puis, si vous voulez être un soir mon invité, faites-moi signe. On se retrouve vendredi prochain à 21h avec ma prochaine invitée Esther, du coup, pour parler du thème de tout ce qui est produits cosmétiques biologiques, naturels et des impacts sur la peau. À bientôt pour un prochain live sur Stéréo de Beauté Imaginée. Merci beaucoup Alexandre, bonne Merci soirée. beaucoup, à bientôt, bonne Salut tout soirée. le monde.